Section 36 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Lecture, tome 3e. Section 36. Exposition des œuvres de Gustave Guillaumet par Paul Mantz. Dans une vie douloureusement abrégée, Gustave Guillaumet a fait tenir beaucoup d'idéal. Un peu hésitant au début et trop préoccupé de savoir ce qu'on faisait chez le voisin, il avait combattu avec énergie pour conquérir une manière personnelle, et il était en pleine victoire lorsque son œuvre, tous les jours plus assurée, fut brusquement interrompue. L'exposition posthume ouverte à l'École des Beaux-Arts permet de rendre justice à ce grand travailleur qui, d'après l'avis des ethnographes les mieux informés, restera, parmi les modernes, comme le peintre le plus authentique des mœurs et des paysages de l'Algérie. Né à Paris le 26 mars 1840, Guillaumet n'avait pas encore 47 ans quand il est mort, le 14 mars 1887. L'exposition organisée par ses amis ne raconte pas toutes ses aventures intellectuelles. On semble avoir voulu laisser dans la demi-teinte le moment de sa vie où il eut des velléités académiques. Mais on nous montre du moins le point de départ. Un véritable tableau d'enfant. C'est un panneau de carton sur lequel Guillaumet, alors âgé de 14 ou 15 ans, a peint, dans toute la candeur de son âme, un coin de nature humide où s'épanouissent quelques fleurettes, où des lézards courent sur les rochers, où des escargots traînent leurs coquilles. Pour la technique, ce premier tableau est l'œuvre d'un pinceau inhabile à exprimer tout ce que l'œil du naïf artiste voit dans la réalité. Mais cette peinture a la valeur d'une révélation morale. L'auteur n'a pas beaucoup voyagé dans l'histoire de son art. Il ignore ses ancêtres. Il n'a nullement le désir d'aller sur les brisées d'Abraham Mignon et d'Otto Marcéus, le peintre des serpents et des grenouilles. Mais il a pour ce qu'il voit un respect sans mesure. Et il a un peu de la patience de ces naturalistes acharnés. Les lézards de Guillaumet, ses brins d'herbe et ses fleurs sont étudiés sur le vif. Cette peinture sans esprit dans la touche, sans virtuosité dans l'accent, est bien précieuse pour nous. C'est l'aveu juvénile d'une volonté fermement résolue à tous les combats que le futur artiste doit soutenir dans sa lutte avec la nature vivante. Si Guillaumet, botaniste et peintre de bestioles, eût continué dans cette voie, il aurait pu travailler plus tard à la collection des vélins que conserve le Jardin des Plantes. Mais cet essai n'eut pas de suite. Guillaumet entra à l'École des Beaux-Arts, et comme il l'avoue au catalogue du Salon, il fut d'abord l'élève docile d'Abel de Pujol et de Picot, deux maîtres qui ne sont point compromis à la recherche de la peinture amusante. Il reçut plus tard les conseils de M. Félix Barrias, récemment revenu de Rome, et dont les exilés de Tibère, exposés au Salon de 1859, avaient obtenu un succès qu'on n'a pas oublié. Lancé sur cette pente orthodoxe, Guillaumet, cédant aux illusions de la 20e année, crut à l'école et à ses pompes. Bientôt, il concourut pour le prix de paysage historique. Heureusement, la récompense rêvée lui échappa. Les premières tentatives de Guillaumet marquent donc une crise menaçante, mais il était bien trempé et il sortit sans encombre de ce pas difficile. Il restait encore quelque chose de ses ambitions imprudentes dans les trois tableaux qu'il exposa pour son début au Salon de 1861, la destruction de Sodome, l'enterrement d'Atala, Macbeth et les sorcières. Les organisateurs de l'exposition nouvelle n'ont pas recherché ces anciennes peintures à base tragique. Elles nous auraient dit sur quel terrain glissant l'artiste s'était alors engagé, mais il fut assez avisé pour comprendre le péril. Si intéressé qu'on soit par la poésie des funérailles, on ne saurait décemment passer sa vie à enterrer Atala. Les amis de Guillaumet et son maître lui-même, M. Félix Barrias, qui a rendu ce jour-là un notable service à l'école française, firent comprendre au jeune peintre que le secret de la peinture émouvante et forte n'était pas dans le mélodrame. Guillaumet partit pour l'Algérie et il en revint convalescent. Toutefois, cette première vision de la terre africaine n'accusa pas d'abord chez lui une transformation complète et définitive. La prière du soir dans le Sahara, aujourd'hui au Luxembourg, le souvenir des environs de Biskra, qui fut exposé en même temps au Salon de 1863, montrèrent quels efforts Guillaumet devait encore faire pour arriver à la certitude. Les tableaux que l'artiste rapporta de son premier voyage gardent quelque sécheresse. Ils sont d'ailleurs plus ou moins conçus dans le sens pittoresque et anecdotique. Guillaumet vu l'aspect du pays. Il n'en a pas pénétré d'emblée l'âme solennelle et patriarcale. Pour entrer en étroite communication avec le paysage local et avec ceux qui y vivent, il fallait les revoir. Collectionner les impressions et en quelque sorte les digérer par un long travail d'esprit. Guillaumet n'a pas fait moins de 10 ou de 11 voyages en Algérie, et il est allé jusqu'en des régions où ne vont pas les touristes paresseux. C'est par ses études tant de fois renouvelées que l'artiste est arrivé au but dont il n'avait, au début, qu'une vague conscience, et qu'il est parvenu à prendre possession de sa manière telle qu'elle se formule dans ses dernières œuvres, qui sont les meilleures. Le grand tableau du musée de Lille, le marché arabe dans la plaine de Tokria, est de 1865. On y sent encore une jeunesse persistante, une vive préoccupation de l'accident local, le goût pour les bagatelles pittoresques, et une difficulté réelle à saisir et à marquer le caractère profond des choses. On y voit aussi le progrès d'un peintre, dont le pinceau va devenir de plus en plus libre. À ce moment de sa vie, Guillaumet, séduit par la curiosité exotique, paraissait menacé d'avoir plus d'esprit que de grandeur. Pour ses œuvres encore incertaines, le succès fut un peu hésitant. Il faut dire que les circonstances ambiantes étaient difficiles. Dans ses peintures des mœurs algériennes, Guillaumet arrivait trop tard. La situation appartenait par droit de conquête à un maître justement aimé, Eugène Fromentin. Mais le nouveau venu ne se découragea point. Il pensa que le Sahara est assez vaste pour loger deux peintres. Il ne pouvait renoncer au droit de raconter ce qu'il avait vu et senti. Il persista, et sans contredire en rien un rival qu'il respectait. Il voulut traduire ses impressions dans un autre langage. Fromentin, à cette époque, était entré dans sa manière délicate, fine, nacrée, et ça et là un peu mince. Guillaumet adopta un procédé plus corsé, plus robuste, et qui, à cette période de débrouillement, opposait presque le parti pris du décor aux esquisses, caresses et aux transparences de l'aquarelle. La vérité est que, sans avoir connu de la croix, il avait été touché de ses belles violences et de la hautaine liberté de son allure. On lui a quelquefois reproché d'imiter le maître de la couleur. Dans la source du Figuier, 1867, musée de Pau, il y a une visible recherche du contraste entre un ciel trop bleu et une architecture au ton de cuivre. Le résultat n'est pas personnel et il n'est pas heureux. Plus tard, et même à une date où Guillaumet semblait à la veille de s'affranchir, on le querellait encore sur ses tendances à se souvenir du grand coloriste. L'objection fut de nouveau précisée par la critique à propos de « La famine » du Salon de 1869. Il est curieux de relire sa vieille écriture. « Messieurs De Haudanque et Guillaumet, disait M. Lafenestre, procèdent de Delacroix. Il ne s'en cache pas. M. Guillaumet, surtout, dans sa famine algérienne, est à un luxe d'imitation qu'on peut appeler un flagrant délit. Gamme des couleurs, mouvement des figures, expression des têtes, tout vient du maître. On pourrait presque étiqueter les morceaux, indiquer la provenance. Un autre témoignage nous est fourni par un juge des plus délicats. La famine, écrivait naguère M. Harry Renan, n'est pas purement originale. Il y a là-dedans une certaine préoccupation du tableau d'histoire. Au premier plan, un groupe de gens hâves et familiques, des corps demi-nus, un vieillard, une matrone, une jeune femme au Saint-Harry et son nourrisson. Derrière eux, une rixe et des bras tendus vers un pain qu'on jette par une fenêtre. On sent l'affluence occulte des gestes héroïques et des étalages de misère qui sont à leur place dans le massacre de Sioux. Il faudrait revoir le tableau contesté pour savoir si quelque exagération ne se mêlait pas à ses reproches. Nul doute cependant que Guillaumet n'ait médité devant les œuvres de Delacroix, et ce qui le prouve, c'est qu'il a profité de ses salutaires exemples. Il a pu apprendre, en l'étudiant, quelque chose qu'on ne lui avait pas enseigné à l'école des beaux-arts. Je veux dire le dogme essentiel, d'après lequel un tableau est une unité vivante qui, au lieu d'émietter le spectacle, le concentre et le résume dans une harmonie. Guillaumet, au temps de sa première manière, se laisse aller parfois à des échantillonnages hasardeux. Il a des éclats indiscrets, mais plus tard, il est devenu un coloriste très avisé. On s'en aperçoit en entrant à l'exposition du Quai Malaquais. Sans doute, l'artiste a pour les étoffes rouges, pour les murs blancs, pour les fraîches verdures des oasis, le respect qui est dû à ces notes diversement intenses ou claires. Mais en avançant dans la vie, il a cessé d'être le captif du ton local. Il a travaillé en vue de l'ensemble. Ses tableaux sont colorés, mais dans le sens de l'unité et du calme. Dès qu'on pénètre dans la salle d'exposition, on se sent en présence d'une force qui s'enveloppe de douceur. Ce que Guillaumet a fait pour les colorations, il l'a fait aussi pour les lignes. Il n'était pas un simple touriste qui crayonne sur son album les scènes telles qu'il les voit. Il croyait avoir le droit d'arranger le spectacle et d'en accentuer la grandeur ou la solennité par le choix des belles silhouettes. Vainement, le principe dont il s'est inspiré pourra être discuté par des naturalistes convaincus que le texte offert par la vérité n'autorise aucune correction de détails. C'est là un raisonnement d'esclave contre lequel les maîtres ont toujours protesté. Guillaumet se croyait plus libre qu'un photographe. Il prenait consciencieusement ses notes sur la réalité accidentelle. Mais, rentré chez lui, il disposait les éléments qu'il avait recueillis dans un ordre volontaire et selon la loi d'un idéal subjectif. Nous avons à l'exposition un bel exemple de cette méthode dans la halte de Chamelier, qui est de 1875, c'est-à-dire du moment de transition. Au point de vue pittoresque, le principal personnage de la famille, c'était un chameau. Guillaumet l'adressait debout, sur ses hautes jambes et de manière à dessiner une silhouette montante au milieu du groupe de ses camarades, couchés et des chameliers étendus avec leurs bagages. Il a obtenu ainsi une vaillante découpure, un bel effet sévère et grandiose, qu'il n'eût pas atteint, sans doute, en laissant les choses telles qu'elles lui sont peut-être apparues, je veux dire dans l'ordre entassé d'un bivouac de bêtes et de gens endormis sur le sable. Il y a là, évidemment, un peu d'artifice, mais combien il est légitime. Le difficile n'est pas de se procurer un chameau, c'est de le mettre à la bonne place. En marchant avec cette ardeur patiente et réfléchie, Guillaumet s'acheminait peu à peu vers le chef-d'œuvre. C'en est un que la Goatte, qui fut exposée en 1879 et que l'État a fait placer au Luxembourg. Dès le premier jour, ce tableau devint célèbre. Et il garde à l'exposition du Quai Malaquais son puissant caractère méridional et son implacable gravité. Le motif apparent est une rue où de pauvres Sahariens se traînent accablés par un soleil sans merci. Mais le sujet véritable, c'est la chaleur. Une chaleur si intense qu'elle semble suspendre dans les organismes la respiration, le mouvement de la vie. Saint-Victor a parlé à sa manière de cette peinture exceptionnellement expressive. C'est, disait-il, une rue, ou plutôt une place bordée de maisons en boue, séchées au soleil et dont les toits se découpent en longs échelons. Le jour décline, l'atmosphère encore brûlante est voilée par des teintes d'ombre. Les damnés de cet enfer de chaleur sont sortis des porches entrebâillés. Ils se rangent contre les murs, debout ou couchés, empaquetés dans leur suaire blanchâtre, qui se confondent avec ces murailles de fange calcinée. Des enfants, encapuchonnés comme de petits gnomes, drôlement enterrés sous leur burnous couleur de limon, jouent au palais sur des terrains jaunes. Au fond, un minaret, dressé à souhait pour l'ordonnance du tableau, qui, sans lui, n'aurait pas de centre, marque la frontière du pays de la soif, dont la Goatte est l'extrême étape. L'effet est saisissant et obtenu sans aucune outrance. La toile ne flamboie pas. Elle cuit sourdement dans un ambiant saturé. Un air de flamme assombrie baigne les figures. C'est du fromentin plus gras, plus nourri, avec une perception aussi vive du milieu rendu. Il faudrait ajouter à cette description un élément spécial que Guillaumet ne pouvait omettre. Le poudroiement des poussières volantes, qui sont une des caractéristiques de la région et de l'heure, et qui, en faisant danser dans l'air leurs atomes impondérables, contribue à noyer le ton local et à donner à la peinture sa merveilleuse unité. Ici, l'intensité de l'effet est exprimée avec des moyens très simples. S'il est permis de voir de la simplicité dans le long effort d'un travail qui ne se laisse pas distraire par l'accident ou qui, du moins, confond et associe tous les détails au profit du bloc et de la synthèse. Le tableau de la Goatte, dès aujourd'hui attendu par le Louvre, restera le chef-d'œuvre de Guillaumet. Ce n'est point à dire que sa veine fut épuisée depuis lors, loin de là. Il nous a donné, dans des notes différentes, des tableaux qui prouvent la variété de son talent et sa force, tels que le Palanquin, 1880, L'habitation saharienne, 1882. Les chiens arabes dévorant un cheval mort. Composition dramatique dont on a parlé à propos de l'exposition nationale de 1883. La Séguia, 1885, que l'État a eu le bon esprit d'acquérir et qui nous montre une Algérie humide, où des buées matinales flottent dans l'air transparent. Ce sont là de belles peintures, et elles resteront, car elles ont la sérénité définitive. Dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire pendant la période qui correspond à sa plus grande vaillance et à son langage le plus original, Guillaumet, sans perdre la notion des vastes espaces et le goût des terrains brûlés, était devenu de plus en plus attentif au caractère typique des populations qui habitent le sol algérien. Les acteurs lui paraissaient aussi intéressants que le décor. Il a mis une insistance passionnée à nous entretenir des campements des nomades, à peindre la vie de l'oasis et les occupations auxquelles se livrent les femmes dans ces maisons de terre séchées où la lumière avare se comporte comme dans les intérieurs de Rembrandt. C'est tout un monde intime où les instruments et les ustensiles des âges anciens se sont conservés avec les mœurs. Ce sont aussi des attitudes qui, maintenues par la tradition et étant d'ailleurs fort simples, développent des silhouettes heureuses. Dans le tableau si fortement caractérisé, qui appartient à M. le baron Alphonse de Rothschild, Guillaumet nous montre les fileuses Abou Saada. Ailleurs, ce sont des cardeuses de laine avec leurs outils rudimentaires, les femmes écrasant le grain en faisant tourner deux pierres posées l'une sur l'autre, et les laveuses battant leur linge ou le piétinant de leurs talons nerveux. Le crayon ou le pinceau à la main, Guillaumet s'est beaucoup occupé de ces lavandières qui, comme il l'a dit lui-même, passent avec une rapidité étrange d'une attitude de reine à une posture de singe. Il a vu à la fois l'aspect héroïque et l'aspect familier de ces êtres, où la grâce féminine se complique de barbarie. Toutes ces études ne sont malheureusement pas devenues des tableaux. Beaucoup sont restées à l'état de notes, prises en vue de compositions futures dans la fatalité d'un dénouement trop prompt nous privera pour jamais. Guillaumet avait accumulé des matériaux comme si un long avenir lui était promis. Les qualités du peintre, sa franchise et sa décision se retrouvent chez le dessinateur et le pastelliste. Ses croquis, d'ordre intime, Guillaumet les gardait pour lui. Il n'avait pas coutume de les montrer au public. C'était, à son gré, trop peu de choses. Les organisateurs de l'exposition posthume en ont jugé autrement, et ils ont réuni un choix de dessins qui, alors même qu'ils sont inachevés, nous font entrer de plein pied dans la pensée du maître. Les uns sont des projets de tableaux, les autres de simples études faites d'après nature et qui fixent d'un trait résolu le caractère d'un type, la particularité d'un paysage ou la profilée d'une attitude. Tout cela est sain, sans complications et sans recherche ambitieuse. Tout est dicté par une vision loyale. Ce sont bien là les croquis et les pastels qu'on pouvait attendre d'un tel peintre. À un artiste doué d'une vue si sûre et d'une main si ferme, le pinceau et le crayon semblaient devoir suffire pour rendre excellemment les spectacles admirés et l'impression morale qui s'en dégage. Guillaumet, jugeant avec rigueur les outils dont il se servait si bien, a demandé à la plume un nouveau mode de traduction. Le peintre, aux dernières années de sa vie, est devenu écrivain. Guillaumet a publié sous le titre « Tableaux algériens » 6 articles qui, du 1er octobre 1879 au 1er novembre 1884, ont paru dans la Nouvelle Revue. Comment ses amis n'ont-ils pas songé encore à réunir en volume ces feuilles détachées, qui sont comme le commentaire de ses dessins et de ses peintures? De pareilles notes de voyage sont infiniment précieuses. Ici s'impose un inévitable souvenir. Une fois encore, Guillaumet se trouvait entraîné sur le domaine de Fromentin. Mais alors même qu'il s'agit d'un sujet pareil, il n'y a point de comparaison à établir entre les deux écrivains. Fromentin, qui avait commencé par la poésie, et qui était d'ailleurs une âme des plus délicates et des plus subtiles, est, malgré ses tableaux, un lettré de profession. De tout temps, il a rédigé sa pensée. Il possède au plus haut degré le sentiment des nuances et le rythme charmeur de la phrase. Sans effort apparent, avec la grâce facile d'une fleur qui s'ouvre aux brises printanières, il a fait éclore dans ses livres des pages immortelles. Guillaumet n'est pas outillé comme lui pour les combats et les triomphes de la plume. Il est très simple, il dit bien ce qu'il a vu, et il le dit en peintre. Ces tableaux algériens sont pleins de couleurs et d'accents. Ils nous initient aux aspects du pays tant de fois parcouru, aux mœurs des oasis et des xours, aux caprices du nuage jouant sur les cimes. On sent partout la sincérité d'un témoin fidèle et bien fait pour inspirer la confiance. Mais, si pénétrant et si vif que soient ces souvenirs de voyage, ils ne sauraient être mis en parallèle avec les chefs-d'œuvre de Fromentin. Il y a pourtant, dans ces tableaux algériens, quelque chose dont tous les lecteurs ont été frappés, un profond sentiment de la lumière. Guillaumet l'a fait intervenir. Soit qu'il décrive la plaine blonde et brûlée, soit qu'il nous introduise à sa suite dans l'une de ces pauvres maisons où l'ombre et la saleté dorment dans les coins, et où le rayon ne pénètre que par un trou de la toiture ou par une porte entrebâillée. Voici un de ces intérieurs. Je commence à distinguer quelques formes. Des silhouettes indécises bougent le long des murs enfumés, sous des poutres luisantes de suie. Les détails sortent du demi-jour, s'animent graduellement avec la magie des Rembrandt. Même mystère des ombres, même or dans les reflets. On reconnaît ici le clair-obscuriste exercé à qui rien n'échappe. Dans les effets de plein air, l'écrivain n'est pas moins exact. Partout, il note finement la saison, l'heure et la qualité de la lumière. Les tableaux écrits par Guillaumet ressemblent à ceux qu'il peignait avec une sérénité si convaincue et une observation si sagace. Là aussi, s'il a beaucoup aimé les scènes de mœurs, la physionomie à la fois intime et solennelle des habitants de la Kabylie et du Sahara, il a surtout aimé la lumière, la vraie. Entré dans l'art à une époque où le chimérique commençait à perdre son prestige, il lui a suffi de s'armer de sincérité pour battre en brèche l'orientalisme excessif de Descamps et ses ciels d'un bleu sans mélange qui furent un instant à la mode et qui ont la brutalité d'un décor de papier peint. Un jour, au moment où il se cherchait encore, il a pu, dans la source du figuier, sembler croire à cet azur irrespirable. Mais il a vite reconnu son erreur et il n'a rien négligé pour se la faire pardonner. Dès 1869, il est à jamais brouillé avec la dureté des ciels métalliques. Il cherche dans l'atmosphère le mouvement et les transparences. Ainsi qu'on l'a fort bien dit, la lumière de Guillaumet est une lumière modérée, intime, qui éclaire doucement les surfaces, qui fait le tour des objets, se disperse et serpente et pénètre jusque dans les recoins qu'on dirait obscurs, frôlant et adoucissant les contours et les angles, pareil à une impalpable fumée, à une vibration de molécules animées d'un mouvement de tourbillon perpétuel. Cette qualité, qui donne aux choses une vérité illusionnante, est une vertu de premier ordre. Les Hollandais l'ont bien connue, et c'est pour Guillaumet un rare honneur que de l'avoir retrouvé. C'est par un lent travail qu'il est arrivé à ce résultat que sa jeunesse n'entrevoyait point. Et c'est même là la moralité de son œuvre et de sa vie. Chaque jour fut marqué par un progrès. Guillaumet ne faisait pas grand bruit dans l'école. Mais il reste un bel exemple de la victoire que peut promettre une volonté intraitable. Ce qu'il a fait pour la lumière, il l'a fait pour le paysage africain et pour les figures vivantes. Il a jeté sur l'accident individuel la large enveloppe de la loi générale. Pendant les 25 années qui ont suivi son premier voyage en Algérie, Guillaumet a emmagasiné des spectacles. Il a capitalisé des faits particuliers pour les fondre et les ramener au caractère typique du pays et de la race. Cette opération n'est pas à la portée des frivoles, mais c'est ainsi que la peinture, qui, pour beaucoup, ne consiste qu'à appliquer des formes et des couleurs sur une surface plane, devient, pour l'effort, une création de l'esprit, une fleur de l'intelligence. Fin de la section 36, lue par Stéphanie.